Les progrès de la science. Que de merveilles ont été réalisées par la science, virgule. Que de merveilles ont été réalisées par la science, virgule. Cette prodigieuse exécutrice, des dessins conçus par la pensée humaine. Point d'exclamation. C'est grâce à cette ingénieuse libératrice, que l'humanité, captive de mille nécessités matérielles, virgule, captive de mille nécessités matérielles, virgule, s'est affranchie de plus en plus, point, s'est affranchie de plus en plus, point, et à la ligne. Héritière des résultats acquis. Par maintes générations chercheuses de vérité, virgule, par maintes générations chercheuses de vérité, virgule, la science, virgule, en incomparable ouvrière de la civilisation, virgule, la science, virgule, en incomparable ouvrière de la civilisation, virgule, s'est révélée l'inventrice de progrès étonnants, virgule. S'est révélée l'inventrice de progrès étonnants, virgule. Et il n'est aucune nation un peu prospère, qui ne soit sa débitrice. Point. Telle une enchanteresse, virgule, telle une enchanteresse, virgule, elle joue avec les forces naturelles. Elle joue avec les forces naturelles et, virgule, comme pourvoyeuse de l'industrie, virgule, comme pourvoyeuse de l'industrie, virgule, elle les transforme à son gré en chaleur, virgule, en électricité, virgule, en lumière ou en énergie mécanique, point, ou en énergie mécanique, point. Infatigable voyageuse, virgule, elle suit les astres dans leur course, ou scrute les abîmes de l'océan, point et virgule, ou scrute les abîmes de l'océan, point et virgule, maîtresse de l'espace, virgule, maîtresse de l'espace, virgule, elle s'affranchit de la distance et du temps lui-même. Point final. Elle s'affranchit de la distance et du temps lui-même. Point final.